Chapitre 27e. Le baron Lazarus n'était pas homme à employer à l'étourdie l'arme que le hasard avait mise entre ses mains. Avant de se servir de Lorenzo Beio et de le lancer à travers le mariage de Carmelita, il était sage de voir dans quelle mesure on pouvait user de son concours. C'était là une grave affaire qui demandait conseil et réflexion. Fallait-il avertir la marquise de Lucilière de cette découverte? Au contraire, fallait-il la garder pour soi et l'utiliser seule? Déjà, le baron avait fait l'expérience des alliances en s'ouvrant, dans une certaine mesure, au prince Mazzazzoli, et cette confidence lui avait coûté cher. Le prince avait tiré parti pour son propre profit de ce qu'il apprenait, et il avait joué son allié. Le même résultat pouvait se reproduire encore, et la marquise pouvait très bien, elle aussi, duper son allié. Elle était assez fine et assez habile pour inspirer une crainte salutaire. Avant de lui faire la moindre confidence, il fallait donc examiner quel intérêt elle pouvait avoir à amener la rupture du mariage du colonel avec Carmelita. Voulait-elle seulement se venger de celle qui lui avait enlevé son amant? Ou bien, cette vengeance satisfaite, voulait-elle encore reprendre cet amant? Pour la vengeance, le baron voulait bien l'aider, mais pour la suite, c'était une toute autre affaire. Là était donc le point difficile et délicat à examiner. Cet examen, il le fit long et scrupuleux, pesant tout, scrutant tout. Et la conclusion à laquelle il s'arrêta fut qu'il fallait, coûte que coûte, se concerter avec la marquise. L'alliance avec ce Lorenzo Beio était chose trop sérieuse pour se faire, sans s'être préalablement entouré de toutes les précautions. Et puis il ne voyait pas comment la conclure, cette alliance. Enfin, il lui semblait que les chances que la marquise pouvait avoir de ramener à elle son ancien amant étaient trop faibles pour s'en effrayer, attendu que si le prince Mazzazzoli avait pu amener entre eux une rupture, il avait dû employer des armes qui avaient tué Madame de Lucilière, de telle sorte qu'une résurrection n'était pas à craindre. Morte, elle était pour le colonel et bien morte. Elle-même l'avait prouvé, en n'agissant pas seule. Est-ce que si elle avait cru à son ancienne puissance, elle aurait cherché un allié? Est-ce qu'elle aurait pris surtout un homme de qui elle avait autant à se plaindre? Ce choix seul indiquait qu'elle n'avait aucune foi en elle, et qu'elle se sentait elle-même bien perdue pour jamais. Il l'alla donc trouver. Lorsqu'on annonça à Madame de Lucilière que Monsieur le baron Lazarus demandait à la voir, le marquis était avec elle. « Vous recevez cet homme ? » dit-il. « J'ai besoin de lui. »« Ah, c'est une raison. » Vous avez pu constater quelles heureuses dispositions il a pour les recherches policières. Je désire l'employer conformément à son talent. Dès là que vous avez besoin de lui, c'est une raison suffisante. Pour moi, je n'ai rien à démêler avec lui, Dieu merci. Je me prie volontiers de sa visite. Au revoir. Et le marquis sortit par une porte, tandis que le baron entrait par une autre. Vous n'avez pas perdu de temps, dit Madame de Lucilière en indiquant un siège au baron, à une assez grande distance de celui qu'elle occupait. En avons-nous beaucoup devant nous? Beaucoup, non. Cependant, nous en avons assez pour ne rien risquer d'entre deux hâtes. Je n'ai rien risqué, et c'est pour avoir votre avis, avant de rien entreprendre, que je viens vous soumettre quelques petits renseignements que j'ai eu la bonne fortune d'obtenir. Alors il raconta simplement, modestement, comme il convient à un homme qui a le sentiment de sa valeur, la conversation qu'il avait eu la chance de surprendre entre Carmelita et un inconnu. Mais c'est le nom de cet inconnu qu'il nous faut, sans quoi cette conversation ne peut pas nous être d'une grande utilité. Précisément, j'ai eu la bonne chance de l'obtenir. Ah, vraiment? Mon Dieu, oui. De la façon la plus simple, en le voyant sortir de l'appartement de Mademoiselle Belmonte, je me suis dit que les paroles que je venais d'entendre, par le plus grand des hasards, ne nous servirait pas beaucoup si nous ne connaissions pas le nom de celui qui les avait prononcées. Il descendait l'escalier, et tout naturellement je l'ai descendu derrière lui. Alors, réfléchissant au moyen d'apprendre ce nom, je me suis mis à marcher derrière lui. Oh, machinalement, sans attention, vous savez, quand une idée vous préoccupe. Nous sommes ainsi arrivés rue Neuve-Saint-Augustin. Toujours sans intention de votre part. Ah! Assurément, je le suivais sans trop me rendre compte de ce que je faisais, et comme si tout à coup, pour m'être agréable, il allait se retourner et crier son nom. Il s'est retourné? Non. Il est entré dans une maison sans parler au concierge, avec une simple inclinaison de tête, comme un homme qui va chez lui. Vous savez, les concierges parisiens aiment à parler. Quand on les interroge, bien entendu. Alors ce concierge de la rue Saint-Augustin m'a dit que cet inconnu était M. Lorenzo Beio, le maître de chant de Carmelita, lui-même. Mais alors? Alors, vous devinez quelles raisons il peut avoir pour empêcher ce mariage? Ce sont ces raisons que je viens justement vous demander. » Cela fut dit avec un air d'innocence et d'ignorance qui eût fait l'admiration d'un comédien. « Car enfin, » continua le baron, « ma découverte n'a d'importance que si ces raisons sont bonnes. Souvent on fait des menaces qui ne s'appuient sur rien de solide et qui ne sont que des forfanteries. Avez-vous remarqué que les Italiens sont souvent fanfarons? Vous dites donc que ces raisons vous paraissent évidentes? Je n'ai nullement dit cela. Seulement il me semble que si ce Lorenzo Beio s'est exprimé dans les termes que vous rapportez, ce sont ses paroles mêmes, sans y changer un seul mot. Il me semble que cela indique qu'il est maître d'un secret qui peut perdre Carmelita dans l'esprit du colonel. C'est aussi ce que je pense. Mais quel est ce secret? C'est ce que je ne sais pas. Ah, vraiment, dit le baron d'un air désappointé. J'avais compté sur vous pour m'éclairer. Il me semblait qu'en votre qualité de femme et de parisienne, vous deviez avoir une sorte d'intuition en ces matières que moi, gros lourdeau d'allemand, je n'ai pas. Et il me paraît inutile de nous livrer à des conjectures qui ne reposeraient sur aucun fait précis et qui pourraient nous égarer. Ce qu'il faut maintenant, c'est découvrir ce secret. Cela me paraît très bien combiné. Mais comment comprenez-vous que nous arrivions à cette découverte? Je ne vois pas le moyen à employer. Ni moi non plus. Alors ce secret, que j'étais assez fier d'avoir trouvé, ne nous servira de rien si nous ne le complétons pas par une seconde découverte, plus difficile que la première. Il est probable en effet qu'il sera assez difficile de faire dire à Lorenzo Beio quel moyen il compte employer pour empêcher ce mariage. Peut-être l'emploiera-t-il seul. Peut-être. Mais il n'est jamais prudent de compter sur ce qui se fait tout seul. Lorenzo Beio ne veut pas que Carmelita épouse le colonel Chamberlain. Nous, de notre côté, nous ne voulons pas que le colonel Chamberlain épouse Carmelita. Il est possible que Lorenzo Beio, agissant seul, empêche ce mariage. Il est possible aussi que nous, sans son secours, nous l'empêchions par un moyen différent du sien. Mais il est bien certain que si, au lieu d'agir séparément, nous agissions collectivement, nous aurions beaucoup plus de chances de réussir. D'abord, opérant avec le moyen du maître de chant, nous n'aurions pas à en chercher un autre. Et ce serait un grand point d'obtenu, car enfin ce moyen, nous pouvons le trouver. Mais nous pouvons aussi ne pas le trouver. Les moyens sûrs pour rompre les mariages ne doivent pas, il me semble, se rencontrer à chaque pas. Il faut donc avant tout chercher comment on peut obtenir ce secret de Lorenzo Beio. On pourrait peut-être le lui acheter. La négociation serait aventureuse. Tous les gens ne sont pas à vendre, et en tout cas, elle serait, pour celui qui s'en chargerait, bien compromettante, surtout s'il était répondu par un refus. En parlant ainsi, je pensais que ce Beio pouvait avoir aux mains quelques lettres significatives qui, mises sous les yeux du colonel, pourraient l'éclairer. « Décidément, vous êtes pour les lettres, monsieur le baron. »« Sans doute, c'est une arme. »« Mais elle n'est pas toujours sûre. »« Vous devez en savoir quelque chose. »« Dans le cas présent, une lettre mise sous les yeux du colonel ne produirait peut-être pas la clarté sur laquelle vous comptez. »« J'ai des raisons pour croire que le colonel se tient en garde contre les lettres. »« Qu'on lui en apporte une qui compromette gravement Carmelita, il répondra de bonne foi qu'elle est l'œuvre d'un faussaire. » Il faudrait prouver qu'elle a été écrite par Carmelita même. Et comment faire cette preuve? Pour moi, je ne le vois pas. Si à l'avance vous refusez de vous servir des armes que veut avoir ce Beio, vous rendrez notre tâche bien difficile. Je n'en refuse pas. Je vous préviens seulement de ne pas trop vous fier à des moyens dont l'efficacité serait incertaine. Beio voudrait-il vendre ses lettres, si, comme vous le supposez, il en a de compromettantes entre les mains? D'autre part, le colonel voudrait-il se décider à une rupture sur le simple vu de ses lettres? Voilà deux questions qui pour moi sont douteuses et qui doivent nous avertir que tout ne serait pas fini par l'acquisition de ces lettres. Maintenant, bien entendu, Je ne vous empêche pas de tenter cette acquisition, si toutefois elle est possible, ce qui ne me paraît pas démontré. D'abord, parce que, comme je vous le disais, Bayeux n'est peut-être pas à vendre. Ensuite, parce qu'il n'a peut-être aucune lettre en sa possession. En tout cas, il a un moyen pour l'empêcher, ce mariage. Cela est probable, puisqu'il le dit. Mais ce moyen ne doit pas résulter d'une lettre. Pour que cette lettre eût quelque influence, il faudrait, n'est-ce pas, qu'elle fût de Carmelita. Et Carmelita, si je ne me trompe pas, n'a jamais dû écrire. Ah, vraiment ? La femme qui écrit des lettres dans le genre de celles qui nous seraient utiles se reconnaît facilement. Ou c'est une étourdie, ou c'est une femme qui se met au-dessus de certains préjugés. Carmelita n'est pas une étourdie, au contraire, c'est une recueillie. Elle peut se laisser entraîner, mais de sang-froid, elle pèse ce qu'elle fait. Quant à se mettre au-dessus des préjugés, cela n'est ni de son âge, ni de sa position. Soyez sûr que si Bayeux a un moyen pour empêcher le mariage de son élève, ce moyen ne résulte pas d'une lettre. Je vous admire. Vous êtes bien bon, en vérité. Mais en même temps, vous m'effrayez. Car vos raisonnements, qui doivent être justes, détruisent toutes les espérances que j'avais pu fonder. Sur cette conversation entendue par hasard et sur la découverte de ce Bayeux, et pourquoi ? Si nous ne nous servons pas de lui. Et je dis cela, cependant. Il faut nous servir de lui, au contraire. Seulement, avant tout, il faut savoir à quoi il est bon. Et comment cela ? C'est là que la difficulté de notre tâche commence. Sans doute, il y a un moyen commode de la simplifier. C'est d'aller à Bayeux franchement et de lui dire « Vous voulez empêcher le mariage de Mademoiselle Belmonte avec le colonel Chamberlain. Moi, je veux aussi empêcher ce mariage. Vous avez un moyen pour cela, je le sais. Unissons-nous. Aidez-moi, je vous aiderai. » Comment accueillera-t-il cette ouverture ? Nous ne pouvons pas à l'avance le prévoir. Un refus est possible, une acceptation l'est aussi. S'il l'accepte, c'est bien, tout est fini. Vous n'avez qu'à marcher d'accord. Mais s'il refuse, car enfin il peut avoir des raisons pour refuser. Supposons que ce soit la vengeance qui le pousse à rompre ce mariage. Souvent, la vengeance est jalouse. Elle veut agir seule, sans secours étranger. Elle veut faire le mal. Mais elle veut être seule à le faire. Si elle voit celui qu'elle poursuit entouré de plusieurs ennemis, elle lui vient souvent en aide contre ses ennemis, pour ne se retourner contre celui qu'elle a secouru que lorsqu'elle peut l'attaquer seule. Tel peut être le cas de Bayeux. Il n'est pas impossible qu'il tienne la vie des querelles avec Carmelita en tête-à-tête. « Peut-être aime-t-il surtout le tête-à-tête, » dit le baron en riant d'un grand rire. Mais la marquise ne partagea pas cette hilarité. Elle continua. « Si Bayeux vous repousse, vous ne pourrez pas revenir à la charge près de lui, et nous aurons le désagrément de voir un moyen qui pouvait nous être utile nous échapper. Ce n'est pas ainsi que nous devons procéder. » Je vois, comme vous, ce que nous ne devons pas faire. Mais ce que nous devons faire, je ne le vois pas. Je vous disais tout à l'heure que je ne voyais pas quel moyen employer pour arriver à savoir quelle était l'arme dont cet homme comptait se servir pour exécuter ses menaces. Mais tout à l'heure, votre nouvelle me surprenait, et je n'avais pas réfléchi à ces moyens. En causant, en cherchant, il m'est venu une idée qui, je crois, peut être praticable, si vous le voulez bien. N'ai-je pas promis de vous aider ? Je suis à votre disposition. Vous intéressez-vous toujours à la petite Flavie du Théâtre des Bouffes ? Je ne vois pas en quoi cette question touche notre affaire. Vous allez voir. Si vous voulez bien me répondre, soyez certain que je ne vous adresse pas cette demande pour savoir vos secrets, ni ceux de Mademoiselle Flavie. Il n'y a pas de secret entre la petite Flavie et moi. Cette enfant était la fille de mon caissier, elle restait orpheline, sans fortune et sans métier, on disait qu'elle était jolie. Je me suis occupé d'elle pour ne pas la laisser exposer aux tentations de la misère. Et pour cela, vous l'avez fait débuter au bouffe. C'est bien naturel. Oh, assurément, rien n'est plus naturel, cela se voit tous les jours, et je savais ce que vous venez de me raconter. Seulement, ce que je ne sais pas, et ce que je vous demande, c'est si vous avez continué à vous occuper de cette jeune fille depuis. Qu'ayant un métier, elle n'est plus, comme vous dites, exposée aux tentations de la misère. Car elle n'y est plus exposée, n'est-ce pas ? Je l'ai vue hier, au bois, dans un petit coupé qui ne sent pas du tout la misère. Je la vois, quelquefois. Et vous pouvez lui demander ce que vous désirez ? J'espère qu'elle a pour moi des sentiments de reconnaissance. Il faut l'espérer. Ou bien alors ce serait à prendre en mépris l'humanité. Donc, vous pouvez faire appel à ces sentiments de reconnaissance et vous serez écouté. Je le pense. Eh bien, ce que vous aurez à lui demander devra accroître encore cette reconnaissance déjà si grande. J'avoue que je ne comprends pas du tout où vous voulez arriver. Cela ne vous blesse pas, n'est-ce pas, que je dise que cette petite Flavie n'a aucun talent. Je l'ai vue deux ou trois fois, et c'est ce que ces messieurs appellent une petite grue. Elle chante comme M. Jourdain faisait de la prose, sans s'en douter. Elle chante avec ses yeux qui minaudent, son nez qui se retrousse, sa poitrine qu'elle montre tant qu'elle peut, sa taille qui se tortille, enfin, elle chante avec tout ce que la nature lui a donné. Une seule chose exceptée, la voix. Il est vrai que de ce côté, la nature lui a été assez avare. Eh bien, il faut que vous lui donniez ce qui lui manque. La voix, moi. Pas la voix, mais le talent. Pas vous, car malgré tous vos mérites, vous n'avez peut-être pas ceux d'un maître de chant, mais Lorenzo Beio, qui les possède, lui, ses mérites. Le baron joignit les mains dans un mouvement d'admiration, car bien qu'il professât le plus profond mépris pour Madame de Lucilière, il ne pouvait pas ne pas admirer une combinaison si bien trouvée. Alors surtout que cette combinaison devait lui profiter. « Je comprends, » s'écria-t-il, « je comprends. Vous comprenez, n'est-ce pas, que vous donnez Lorenzo Beio pour professeur à Flavie. Sans doute vous pourriez tout aussi bien le donner à Ida. Oh, ma fille, justement. Je sens ce cri d'un père qui ne veut pas mêler une fille comme Mademoiselle Ida. Sie ist ein Engel. Ja, c'est un ange. Et puis ce serait s'engager bien à fond que d'intervenir d'une façon si directe et si personnelle. Tandis que par l'entremise de Flavie, les choses se font sans que vous y mettiez la main. C'est Flavie qui demande des leçons à Beio, et rien n'est plus naturel. Beio a chanté sur les grands théâtres du monde, et c'est quand sa voix a été perdue qu'il s'est fait professeur. Les leçons qu'il donne ont pour but de former des chanteurs et des chanteuses de théâtre. Flavie, qui est une chanteuse de théâtre, au moins elle peut le croire, ne veut pas rester aux bouffes. Elle veut passer à l'opéra comique ou à l'opéra. On a vu des exemples de cette ambition chez de simples grues. Elle s'adresse à Beio pour lui demander des leçons. Vous allez la voir quelquefois chez elle, n'est-ce pas? Quelquefois. Plusieurs fois par semaine? Oui, souvent. Tous les jours? Je la vois souvent, mais pas régulièrement. Je comprends cela. Enfin, vous la verrez plus souvent, tous les jours. Oh, bien entendu, devant Beio. Vous assisterez aux leçons. Rien n'est plus légitime. Vous vous intéressez à cette petite fille de votre caissier, vous désirez qu'elle cultive son talent pour n'être pas exposée aux tentations de la misère, et vous surveillez vous-même ses leçons pour constater ses progrès. C'est d'un père, cette conduite, elle vous fera honneur. Il est certain qu'il n'y aura rien à dire. En assistant aux leçons, vous parlerez de temps en temps du colonel Chamberlain et de son prochain mariage. Cela encore est tout naturel puisque vous êtes l'ami du marié et de la mariée. Je crois que tout d'abord, il sera bon que vous ne manifestiez pas votre sentiment sur ce mariage, afin de ne pas éveiller les soupçons de cet Italien. Ce sera peu à peu que vous les manifesterez, ces sentiments, en insistant principalement sur la certitude où vous êtes que rien ne peut l'empêcher. Sans doute, tout mariage qui n'est pas conclu peut se rompre. Mais pour que cette rupture s'accomplisse, il ne faut pas qu'il soit ardemment désiré des deux côtés. Et c'est précisément ce qui se rencontre dans celui-là. Par intérêt, Mademoiselle Belmonte le veut. Par amour, le colonel le désire non moins vivement. Parfaitement. Vous voyez le thème. Je n'ai donc pas besoin d'insister. Il arrive un moment. Ah, nous n'avons pas besoin de nous presser. La veille, il sera temps encore. Arrive un moment où Beio doute de l'efficacité du moyen dont il dispose. Il a peur. Il croit que ce mariage se fera quand même. Il a compris que vous désiriez qu'il ne se fasse pas et que vous pouvez l'empêcher. Il pense qu'en réunissant vos deux actions, la vôtre et la sienne, vous serez plus puissant. Il vous livre son moyen. Naturellement, vous ne livrez pas le vôtre, qui ne vaut pas le sien. On agit et la rupture est accomplie sans que nulle part votre main soit visible. Ce que vous devez désirer en vue de l'avenir. Le baron se retira en pensant que la marquise n'était vraiment pas sotte. Mais quelle femme corrompue, mon Dieu! Il n'y avait qu'une Française au monde capable d'inventer une pareille combinaison, et encore sans paraître y toucher. Quelle Babylone que ce Paris!